que ce qu'ils disent en vérité, c'est de vouloir vendre sa peau plus cher qu'elle ne l'a mérité. C'est l'histoire que l'on raconte bien mieux que de l'avoir vécu. C'est les enchères qui remontent à la côte des m'as-tu vu. C'est des mots-clés qu'on fait jouer dans les serrures de l'illusion. C'est une sorte de bouée que l'on jette à ses prétentions. La frime qui fait tourner le monde au jeu des apparences et qui fait dans sa ronde briller l'insignifiance. C'est inventer des bienveillants qui vient souffler sur les égaux. C'est de jouer les importants comme font les enfants pour de faux. C'est laisser croire à demi-mot que l'on est peut-être quelqu'un. C'est vivre encore en mégalo, bien au-dessus de ses moyens. C'est avoir l'air sans en manquer au palmarès des histrions. C'est un complexe sublimé où l'on se vautre avec aplomb. La frime qui fait tourner le monde au jeu des apparences et qui fait dans sa ronde briller l'insignifiance. C'est avoir honte d'être soi jusqu'à vouloir en rajouter. C'est être fier tout à la fois jusqu'à pouvoir s'en dégoûter. C'est beaucoup de bruit pour pas grand chose dans le silence de sa conscience. C'est de vouloir prendre la pause à chaque instant de l'existence. C'est de renier ce que l'on est en tirant de la fierté. C'est avoir jeu pour seul sujet dans les éclats de sa psyché. La frime qui fait tourner le monde au jeu des apparences et qui fait dans sa ronde briller l'insignifiance. C'est enfin la mauvaise foi, recours suprême pour s'en sortir. C'est se mentir d'abord à soi, bien plus qu'aux autres pour finir. La frime qui fait tourner le monde au jeu des apparences et qui fait dans sa ronde briller l'insignifiance. La frime.